qui a une autre réponse? Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une autre réponse? Ummu Maryam 93. Tafadali. Ummu Maryam 93. Je crois qu'elle s'est désistée puisqu'elle descend. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Tayyib, qu'est-ce qu'il doit faire? Ma'am? Il ne rattrape pas. Tayyib, il ne rattrape pas son jeûne. Ma'am? Il ne rattrape pas son jeûne. Tayyib, ça, c'est le deuxième avis. Jazakillahu khairan. On va voir autre chose. On va voir autre chose. Est-ce qu'il y a, car il a fait volontairement. Tayyib, est-ce qu'il y a un autre avis? Vous avez lu l'avis qui a dit un sort, pardon, un frère ou une sœur qui a dit il rattrape 2 mois. Et la deuxième sœur a dit il ne rattrape rien parce qu'il l'a fait volontairement. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui a un troisième avis? Un troisième avis. Zakaria. Tafadali, Zakaria. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tayyib, j'attends Inch'Allah Ta'ala. Il fait des jeûnes surérogatoires. Il fait des jeûnes surérogatoires. Tayyib, on va voir. Zakaria, donc il ne rattrape pas. Donc, Zakaria, donc il ne rattrape pas. D'après ce que je comprends de ton avis, ça, il ne rattrape pas. Oui, d'accord. Tayyib. Autre chose, on est toujours dans cette même question. On est toujours dans cette même question. Tayyib. Maintenant, Ayman. Tayyib, Ayman. Ayman. C'est quoi, Inch'Allah Ta'ala, la réponse? Il peut compenser en nourrissant des pauvres, je crois. Non. Maintenant, je vais vous poser une autre question qui a rapport avec cette première. Ensuite, pour vous donner, Inch'Allah Ta'ala, la vie le plus juste. Vous donner la vie le plus juste. Tayyib. Maintenant, je vous le donne et je vous explique. La vie le plus juste, c'est que, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas la peine pour lui de rattraper ni 2 mois, ni 3 mois, ni 4 mois, car il ne pourra pas. Non, il ne pourra pas rattraper. Il l'a fait exprès, il l'a fait volontairement, il ne peut pas rattraper. Mais si jamais quelqu'un demandait pourquoi il ne peut pas rattraper, donc le ramadan chez vous n'a pas beaucoup d'importance. Là, il l'a pas fait, il est parti comme ça, ramadan, ce jour est parti. Là, il n'a pas d'importance ce jour. Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre si quelqu'un dit, donc subhanallah, le jour n'a pas d'importance puisque vous ne lui dites pas de le rattraper. Donc le jour n'a pas d'importance. Comment peut-on répondre à cette chouba, comment qu'on peut répondre? Sadiya, tafadali. Sadiya, tafadali. Non, on va voir s'il y a une autre personne qui a autre chose. Zakaria, tafadali. Ça a un temps prescrit. Non, je vais vous dire quelle est la meilleure réponse. Hakim Ka, tafadal. Hakim Kabran, tafadal. Salam alaikum, alaikum salam. Non, justement, ce cours est tellement important qu'il ne se rattrape pas. Naam, assalamu alaikum. Tayyib, la réponse c'est quoi? La réponse c'est que il ne peut pas le rattraper, même s'il va jeûner toute sa vie. Pourquoi? Premièrement, c'est djihadi, car le prophète al-Islam a dit, même s'il jeûne toute l'année, cela ne se réparera pas. Je voudrais faire une petite remarque à la sœur Sadjia, que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Non, ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les salafs ont dit comme ça. Ils ont dit celui-là c'est un zindiq, c'est un hypocrite. Ah. C'est-à-dire premièrement, deuxièmement, comme a dit Hakim, yani, pourquoi il ne peut pas le rattraper? Tellement ce jour est a de l'importance que puisqu'il est passé, c'est trop tard. Car comme a dit la sœur, on doit le faire en ce jour-là. Là, il a un, comme a dit Zakaria, il a un temps prescrit. Il est sorti de son temps, c'est pas la peine de perdre ton temps. C'est pas la peine de perdre ton temps. Ici, on n'est pas en train de jouer. Allah Ta'ala t'a dit, il faut faire le jeûne demain, de telle heure à telle heure. Toi, tu veux manger et le faire un autre jour, donc tu veux légiférer de ta tête. Là, tu fais ce qui te plaît. Là, demain je mange et je fais quand je veux, quand ça me plaît. Allah Ta'ala te dit non, tu fais quand je veux moi, c'est pas toi qui choisis. C'est en ce sens que quoi? En ce sens, la salate. La salate. Quand tu ne la fais pas à l'heure et tu n'as pas d'excuse, ce n'est pas la peine de te fatiguer pour la refaire. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement importante qu'il fallait qu'elle se fasse en son temps, en son moment. Le dhuhr, tu le fais entre par exemple 13h et 16h par exemple. Si le adhan de la salat al-asr c'est à 16h, c'est pas la peine après 16h, 5 minutes de faire le dhuhr. Car tu l'as laissé exprès et sans raison, sans excuse. Et sans excuse. Naam. D'ailleurs, autre chose, donc ça prouve quoi? Ça prouve que c'est très important. Naam. Car si ce n'était pas important, on aurait dit à la personne, refais, ça se fait. Ah, c'est pas important, refais là. Mais c'est tellement important qu'elle ne peut pas refaire. Et je vous ai donné une fois un exemple, je vous ai dit, c'est comme si on avait un vêtement et un seul. Que personne ne pourrait faire comme ce vêtement, ni coudre comme ce vêtement, ni personne. Naam. Donc si ce vêtement se déchire, alas, il faut acheter un autre, mais pas comme lui, parce qu'il y a un seul modèle. Et autre chose, si jamais quelqu'un, par exemple chez lui, le Maghreb, par exemple, c'est à 18h. Le Maghreb, dans mon pays, c'est à 18h. J'ai pris l'avion, je suis arrivé dans un autre pays, chez eux, il reste encore 4h pour le Maghreb. Est-ce que je vais me baser sur mon pays? Je dis dans mon pays, normalement, maintenant, il ne reste que, par exemple, quelques minutes et je mange. Je mange, ou bien j'attends 4 heures encore ou 5 heures avec l'autre pays pour manger. Naam. C'est quoi la réponse ici, Inch'Allah? Om Khadij. J'attends 4 heures avec le nouveau pays. Ahsan Allahu ilayk. Naam. Je suis obligé d'attendre 4 heures, 5 heures. Naam. Une demi-journée avec les autres. Pourquoi? Parce que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne, c'est quand les gens jeûnent. Et le fautor, l'iftar, en fait, le manger, c'est quand les gens mangent. Et moi, je suis avec les gens, je vois où je suis avec les gens. Je ne vois pas mon pays, je vois où je suis avec les gens. Maintenant, si demain, c'est-à-dire aujourd'hui, on a annoncé dans mon pays que demain c'est l'Aïd. Aujourd'hui, on a annoncé dans mon pays que demain c'est l'Aïd. Et moi, j'ai pris l'avion la nuit. J'arrive dans l'autre pays, j'entends à la radio que ce n'est pas demain l'Aïd chez eux, c'est demain Ramadan. Est-ce que, et moi, écoutez bien, et moi, j'ai jeûné aujourd'hui 30 jours. J'ai jeûné 30 jours. Est-ce que quand je suis dans l'autre pays, je vais jeûner avec eux et ce sera le 31e jour? Ou bien je vais manger avec eux parce que je ne peux pas jeûner plus que 30 jours. Il n'y a pas dans le dîn un mois plus de 30 jours. Il y a seulement 29 et 30. Staffadadi. « je jeûne avec eux. Jazakillahu khairan. Je jeûne avec eux et je dois jeûner avec eux. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, même si c'est 32 jours, ou peut-être 33, je ne me rappelle pas, mais 32, il a dit, c'est sûr. Il a dit, naam, il faut jeûner avec eux, bi'idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Naam. Maintenant, autre question, c'est-à-dire que... Taïb, maintenant on va, c'est-à-dire donner le contraire, c'est-à-dire qu'il part... Naam. Maintenant, quelqu'un qui part dans un pays, chez lui, c'est le Siyam. Chez lui, ils ont annoncé, ils ont dit, demain, c'est, nous sommes toujours au Ramadan. Il arrive dans l'autre pays, on lui dit, demain, c'est l'Aïd. Demain, c'est l'Aïd chez nous. Est-ce que il va faire le Siyam ou bien il va manger à cause de l'Aïd? Naam. Oum Adam Argenteuil. Il fait l'Aïd avec tout le monde. Ahsan Allah ilik. Naam. Il doit faire l'Aïd avec tout le monde. Ensuite, il voit. Il voit combien qu'il a jeûné. Si dans l'un des deux pays, on a jeûné plus, il doit suivre le deuxième pays où ils ont jeûné plus. Si dans les deux pays, ils ont jeûné la même chose, les mêmes jours, donc il n'a rien à rattraper. Naam. Maintenant, écoutez cette question, quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez sa réponse, je ne l'ai pas dite. Mais Inch'Allah Ta'ala, vous allez faire des efforts. Quelqu'un, par exemple, qui, il est 5h, il est 17h de l'après-midi. Il est 17h. Naam. Je monte dans l'avion, il est combien? Il est 17h. Le Maghreb, c'est quand? C'est à 19h. Il reste 2 heures et je suis monté dans l'avion, donc il me reste 2 heures. Pourquoi? Pour le Maghreb. Maintenant, l'avion a décollé, je ne sais pas quelle direction l'avion a pris, et puis tout a changé. Ça fait seulement une demi-heure de vol et je regarde de par le hublot, tout est noir, il n'y a plus de soleil, tout est devenu noir. Est-ce que je peux manger? Je dis c'est le Maghreb, puisque tout est noir d'après ce que j'ai vu, d'après l'hublot, ou bien je dois attendre mes 2 heures. Naam. Tayyib. Oum Ismaïd 1401. Tafadali, j'espère que tu n'as pas encore répondu. Je rends le jeûne. Pourquoi, Ismaël? Tu peux dire pourquoi? Dis-moi pourquoi, si tu sais. Pourquoi je rends le jeûne? Naam, ahsan Allahu ilayk. Naam, c'est ça la cause. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous voyez le jour, yani partir de ce côté, et la nuit venir de ce côté, farat aftar as-sa'im. Celui qui a fait le siyam, khlas aftar. Yani, il mange, il peut manger. Naam. Pour moi, je suis en avion, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est le moment où je suis. Je suis dans un moment où il fait nuit. Le soleil s'est déjà couché. Je ne me base plus ni sur mon pays, ni sur le pays où je vais venir, essentiel, où je vais arriver. Essentiel, je vois qu'est-ce qui se passe maintenant. Maintenant, il fait nuit dehors, place. Ça veut dire que c'est le temps de Salat al-Maghrib. Et je dois manger aussi. Naam. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Salat salam ala shraf al-mursalin. Quelles sont les choses qui sont permises à qui? À celui qui jeûne. Quelles sont les choses qui sont permises à celui qui jeûne, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Celui qui jeûne, bi'idna subhanahu wa ta'ala, il lui est permis beaucoup de choses. Non, il lui est permis beaucoup de choses, bi'idna ta'ala. Ces choses, il faut bien les apprendre pour, inshallah ta'ala, ne plus les oublier, inshallah ta'ala, et ne plus être, yani, dans les ambiguïtés, etc. Voyez, la première des choses qui est permise, c'est quoi? C'est le ghusl ta'abbudan. Quel ihtisali min janabatin bi'htilam, ou jima'in qabl al-fajr, ou ihtisali al-jumu'a, ou tabarrudan min harrin wa nahwih. وله أن يصب الماء على رأسه من عطش أو حر. La première chose qui est permise, c'est quoi? C'est que quelqu'un se lave par adoration. Par adoration. On peut se laver par adoration, mais on peut se laver peut-être parce qu'on est sale ou parce qu'il fait chaud. Nous, on est en train de parler, se laver par adoration. Comment se laver par adoration? Par exemple, quand quelqu'un se lève avec la djanaba, c'est-à-dire avec impureté, il doit faire le lavage majeur. La nuit, il s'est approché de sa femme. Donc le matin, il veut se laver. Il lui est permis. Ou bien, quelqu'un s'est approché de sa femme avant Salat al-Fajr. Avant la prière, avant Salat al-Fajr, il s'est approché de sa femme. C'est-à-dire avant le Adhan. Avant le Adhan du Fajr, il s'est approché de sa femme. Maintenant, bien sûr qu'il peut se laver comme il peut se laver pour la prière du vendredi. Naam. Que ce soit un homme ou une femme. Si un homme ou une femme vont à la prière du vendredi, l'avis le plus juste, c'est qu'ils doivent se laver. Même la femme. Car, pourquoi l'homme doit se laver? À cause qu'il ne doit pas dégager des odeurs, etc. Il va rencontrer des gens, il doit être dans la meilleure tenue, la plus parfaite et la plus belle, et se remplir de parfums, etc. Parce qu'il y a, il y aura beaucoup de monde dans la mosquée. C'est pour ça que le vendredi, il doit se laver. Et la femme, c'est la même chose. La femme, quand elle va aller à la mosquée, elle va trouver beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes, beaucoup de vieilles. Donc, elle aussi, elle doit se laver avant de partir à la salat du mois. Seulement, elle ne doit pas mettre de parfum. Elle ne doit pas mettre de parfum. C'est la différence. Non. Premièrement, donc, se laver par adoration. Deuxièmement, se laver par exemple, chaleur. Non, chaleur. Ou parce qu'on est sale. Par chaleur ou parce qu'on est sale. Non. Celui-là aussi, il lui est permis de se laver. Non. Dans le hadith, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud, wa huwa fi sahih Sunan Abi Dawud, dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, que quelqu'un a dit, لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم بالعرج, dans un endroit. Par exemple, j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم, par exemple, à Médine ou à la Mecque. Il y a un endroit qui s'appelle l'Arj. Non, je ne sais pas exactement où il se trouve. Il a dit, comment j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم en train de faire? Qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit, je l'ai vu en train de verser de l'eau sur sa tête, wa huwa sa'im, alors qu'il faisait le jeûne, min al-atash ou min al-har. Il a dit, peut-être à cause de la soif, peut-être à cause de quoi? De la chaleur. Peut-être à cause de la soif, peut-être à cause de l'atash, de la soif. Verser de l'eau sur sa tête alors qu'il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur. Jazakillahu khayran, comment tu savais yani, que j'allais dire ce hadith? Al-Muhim, barakallahu fik. Donc, si quelqu'un a chaud, là, il a yani, reçu beaucoup de soleil sur sa tête, et il veut verser de l'eau sur sa tête, il peut. Il veut prendre une douche, il peut. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il ne boive pas. Qu'il ne boive pas de l'eau. Ou du moins, qu'il ne le boive pas exprès. نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأيضا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كيسك الزوندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم البخاري ومسلم d'après les deux épouses que Allah تعالى les agré Umm Salama et Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani ça lui est arrivé que le fajr rentre, c'est-à-dire le adhan commence, le adhan du fajr, alors qu'il était toujours en janaba, il était toujours en, yani il devait faire le lavage majeur, parce qu'il avait approché ses femmes. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors il se levait et ensuite continuait à quoi? À jeûner. Non. Parce que je vous ai dit, et je répète, le jeûne n'a rien à voir avec se laver ou ne pas se laver. Non. Le jeûne n'a rien à voir avec le lavage majeur. Mais le lavage majeur a une grande relation avec la salate. On ne peut pas faire la salate si quoi? Si on n'a pas fait le lavage majeur, si on s'est approché de sa femme. Mais l'autre, le jeûne, n'a rien à voir. Donc, l'impureté, le lavage majeur, c'est pour la salate. C'est aussi comme les monstrueux. Les monstrueux, c'est à cause de quoi? Les monstrueux, c'est le contraire des monstrueux. Car les monstrueux, on ne peut pas quoi? On ne peut ni jeûner, ni faire la salate. Ni jeûner, ni faire la salate. Non. Quant au lavage majeur, si on se lave, on peut quoi? On peut faire la salate. Et ça n'a rien à voir avec le jeûne. Non. Et il y a un hadith sahih, un hadith, c'est-à-dire mawquf, du sahabi, pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Anas, le compagnon Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, que vous connaissez tous, qu'est-ce qu'il faisait de temps en temps pendant le ramadan? Il remplissait une grande bassine et se jetait à l'intérieur. Il remplissait une grande bassine et se jetait à l'intérieur. Ce qui va nous mener, Qasi Salaf, écrit un de temps en temps. Ce qui va nous mener à dire quoi? Ce qui va nous mener à dire que, donc, ce n'est pas obligé, ce n'est pas interdit de, donc ce n'est interdit de nager. Celui qui va à la mer pendant le ramadan, il ne lui est pas interdit de nager. Car le compagnon Anas, d'après le hadith sahih, Mawquf, il faisait une grande bassine et plongeait à l'intérieur. Donc il n'est pas interdit pour celui qui sait que l'eau ne va pas lui rentrer dans la gorge et dans le ventre, il ne lui est pas interdit de quoi? De nager. Moi je connais des amis à moi, qui non seulement vont à la plage, pendant le ramadan, bien sûr, des plages isolées, c'est pas des plages où il y a Mexique, des coins comme ça, yani, très retirés, hein, où il n'y a que les hommes. Non. Et qu'est-ce qu'ils font? En plus de nager, ils font ce qu'on appelle la pêche sous-marine. En plus de nager, ils descendent, subhanallah, sous la mer, 3, 4, 5 mètres, et ils montent. Non. Celui-là, c'est pour celui qui est sûr que l'eau ne va pas lui rentrer. Mais par précaution, si quelqu'un nage, je lui conseille de ne pas faire rentrer sa tête beaucoup, car l'eau risque de rentrer, yani, tu ouvres ta bouche, etc., ça rentre par le nez, par l'âme. De préférence, si quelqu'un va à la mer pendant le ramadan, qu'il ne rentre que jusqu'au cou. Il ne fait pas beaucoup rentrer sa tête. Maintenant, s'il veut rentrer sa tête, il veut la faire rentrer, ce n'est pas interdit s'il est sûr de ne pas laisser l'eau passer. L'âme. Deuxièmement, qu'est-ce qui est permis? Il est permis si quelqu'un a la janaba qu'il peut se laver. Les hadiths Aïcha, ça aussi on l'a vu. Troisièmement, qu'est-ce qui est permis pendant le ramadan? Al-madmadatu al-istinshaq min ghayri mubalagha. Al-madmadatu al-istinshaq min ghayri mubalagha. C'est-à-dire, rentrer l'eau dans la bouche et commencer à yani le faire passer, on fait passer l'eau de droite à gauche, dans la joue droite, dans la joue gauche, et ensuite on crache. Non. Le fait de faire passer l'eau de droite à gauche, ceci est permis pendant le ramadan, comme il est permis de faire rentrer l'eau par le nez. Non. De faire rentrer l'eau par le nez. D'ailleurs, je ne dis pas il est seulement permis, mais encore, il est obligatoire, par exemple, quand on va faire des ablutions. Non. quand on va faire les ablutions. On est obligé d'aspirer l'eau par les narines. Nam. Donc, ici, il faut bien remarquer une chose, laquelle, quand la personne fait des ablutions, sans parler du ramadan, je parle en général, quand une personne fait des ablutions, quand elle arrive à la bouche, ce n'est pas demander que tu mettes l'eau dans la bouche. Ce n'est pas ça la sunna, ni l'obligatoire. Mais il est demandé que tu rinces la bouche, à une différence. Naam. Beaucoup de personnes, quand elles font les ablutions, elles font rentrer un peu d'eau dans la bouche et elles la jettent, sans rincer, c'est-à-dire sans faire passer de droite à gauche comme ça, et puis cracher. Ah, vous avez compris comment que ça veut dire rincer, passer de droite à gauche, faire un son comme ça, et essayer avec l'eau comme ça dans la bouche, ensuite on crache. Naam, ce n'est pas seulement on rentre l'eau et on le jette, comme croient beaucoup de gens. Naam. Et donc ceci est permis aussi pendant le ramadan, et il est permis aussi d'aspirer l'eau par les narines. Et je vous ai dit une fois que la sunna, quand on fait des ablutions, ce n'est pas aussi de toucher le nez avec de l'eau. Quand on prend certaines personnes très délicates, mashallah, elle est très délicate, elle ne veut pas se faire de mal, elle prend juste un peu d'eau dans la main, et elle touche son nez à peine, et elle croit qu'elle a fait l'obligatoire en ce qui concerne le nez. Or, l'obligatoire en ce qui concerne le nez, c'est quoi? C'est d'aspirer avec les narines jusqu'à ce que tu sentes que l'eau est montée. Subhanallah, l'eau est montée dans tes narines. D'ailleurs, pour que tu sois sûr que ça s'est monté, qu'est-ce que tu vas sentir? Tu vas sentir tes narines qui vont te piquer. Non, quand tes narines te piqueront, ça veut dire l'eau est arrivée. Mais seulement toucher sa main comme ça avec son nez, ce n'est pas le wudu. Celui-là, il n'a pas fait le wudu. Non. Mais pendant le ramadan, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit attention, il ne faut pas exagérer quand on aspire. Pourquoi? Parce que l'eau peut aller au ventre. L'eau peut aller au ventre. Donc, quand on fait des ablutions et on aspire, on doit exagérer, sauf pendant le ramadan. Sauf pendant le ramadan, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit balir fil istinshaq, exagère dans l'aspiration, illa an takuna sa'iman, sauf si tu fais le jeûne. Exagère dans l'aspiration, sauf si tu fais le jeûne. Naam. Ça c'est troisièmement. Quatrièmement, qu'est-ce qui est permis aussi? Naam, insiste sur l'aspiration de l'eau lors des ablutions, sauf si tu es en état de jeûne. Naam, jazakillahu khairan. Naam, quatrièmement, qu'est-ce qui est permis? Naam, qasi salaf, résume les quatre choses que j'ai dites. Hein? Quatrièmement, nous sommes à quatrièmement. Naam, résume, inshallah ta'ala, les quatre choses que j'ai dites, les trois choses. Maintenant, on est au quatrièmement. Quatrièmement, c'est quoi? Al-iktihal wal-qutratu wa nahwuhuma mimma yadkhulu al-'ayn sawa'an awajada ta'mah fi halqihi aw ta'mah am lam yajidhu li'anna al-'ayn laysat bimunfadin ila al-jawf. Naam. Donc, quatrièmement, qu'est-ce qui est permis? Le kuhl. Vous connaissez le kuhl que font les femmes dans les yeux, le noir. Naam, le noir, il est permis pour la femme de le mettre pendant le ramadan. Il est permis pour la femme de mettre le kohl pendant le ramadan. Même l'homme, il lui est permis si c'est pour se soigner. Car certains frères croient que le kohl, c'est de la sunna de le mettre et de sortir dans la rue. C'est pour ça que les tekfiriyoun insistent beaucoup sur le kohl et le turban sur la tête. Non, mais surtout le kuhl. Ils le mettent et ils disent que c'est la sunna. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dans sa vie mis le kuhl en pleine journée. Il le mettait avant de dormir, question de pour avoir une bonne vue, pour soigner ses yeux, etc. Et non pas, il le mettait comme font les tekfiriyens, c'est-à-dire zina, c'est-à-dire parure. Hein? Ils font comme la femme et ils sortent dans la rue. Il lui dit, pourquoi il te dit sunna? Sunna le kohl. Naam. Donc, il est permis pour l'homme de mettre le kohl si c'est avec la niya de se soigner. Naam. Et le prophète alayhi salam le mettait la nuit avant de dormir. Mais si quelqu'un veut se soigner le matin, un homme, il a quelque chose dans l'œil qui lui fait mal, et il met le kohl, c'est permis. La même chose pour la femme. Elle met le kohl, c'est permis pendant le ramadan, même si, je dis bien, même si le kohl descend jusqu'à la gorge. Même si en mettant le kohl, tu vas sentir quelque chose, un liquide ou je ne sais pas quoi, un goût qui va te descendre jusqu'à quoi? Jusqu'à la gorge et qui va rentrer dans ton ventre. Tout ça, ce n'est pas important, on dit les ulama. Ce n'est pas important. Naam. Ici, faut-il savoir que la femme, il lui est interdit de sortir dans la rue avec le kohl. Beaucoup de femmes ne savent pas qu'il est interdit de sortir dans la rue avec le kohl, parce que c'est une parure, c'est de la zina. Naam. C'est une zina qui rend la femme belle. Et combien de femmes sont yani, moyennes, tout juste moyennes, et quand elle met le kohl, elle devient très belle, subhanallah l'adhim. Donc si elle sort avec cela, elle va attirer le regard des hommes et elle va les faire rentrer dans la fitna. Mais il est permis à la femme, si elle met le kohl la nuit, l'âme, et que le matin, en essayant de l'enlever, il ne s'enlève pas, qu'elle sort avec. Ça, c'est possible. Naam. Pourquoi? Elle n'a pas mis avec la niya dans l'intention que c'est pour sortir demain dans la rue et attirer les hommes. Mais elle l'a mis car elle avait besoin de le mettre dans ses yeux, ou bien car elle était par exemple dans un mariage. Elle était dans un mariage. Naam, avant de partir au mariage, elle a mis le kohl. Maintenant, quand elle est revenue la nuit, il ne s'est pas enlevé. Et le lendemain, elle a des choses à faire, elle doit sortir, et elle a essayé de l'enlever, il ne s'enlève pas. Ici, ce n'est pas interdit pour elle. Naam. Ce qui est permis aussi, c'est quoi? De mettre des gouttes dans les yeux. Naam. De mettre des gouttes dans les yeux. Si quelqu'un est malade et qu'il doit mettre des gouttes dans les yeux, il lui est permis, même s'il trouve quelque chose dans sa gorge. Même s'il trouve quelque chose dans sa gorge. Naam. An Aisha radiallahu ta'ala anha. Qu'est-ce qu'elle a dit, Aisha radiallahu ta'ala anha? Iktahala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sa'im. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis du kohl, wa huwa sa'im. Wa huwa sa'im. En plein jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis quoi? A mis le kohl. Donc voilà la preuve que on peut le mettre. Akhrajahu Ibn Majah. Fondur Sahih Sunan Ibn Majah le Sheikh Al-Albani rahimahullah. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis le kohl bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Attendez, juste je vois une chose ici. Naam. طيب يعني الأعمش رضي الله تعالى عنه كيف كي لادي ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره أو يكره الكحل الصائم. نعم لادي je n'ai jamais vu quelqu'un de nos compagnons. نعم الأعمش c'est pas un compagnon, c'est un tabi. Il a dit que يعني c'était interdit de mettre le kohl. Comment on appelle le kohl? Le noir. Cela n'est pas interdit pendant le ramadan de le mettre, même si quelque chose descend dans la gorge. Et la même chose, les gouttes, si quelqu'un a quelque chose qui lui fait mal dans les yeux et il doit mettre des gouttes, ou bien le médecin lui a donné des gouttes, ou bien il a la conjonctivite, ou bien il a quelque chose dans les yeux, il peut mettre des gouttes, même si ça lui descend dans le gosier. Mais ce qui n'est pas permis, vous savez ce que c'est? Ce qui n'est pas permis, c'est de mettre des gouttes dans le nez. Il est permis de mettre des gouttes dans les yeux et il n'est pas permis de mettre des gouttes ou dans le nez. Vous savez pourquoi? Parce que dans le nez, ça descend directement au ventre. Naam. Et dans les yeux, ça ne descend pas. Il n'y a pas, disons, un chemin. Il n'y a pas un lien entre les yeux et quoi? Et le ventre. mais il y a un lien entre le nez, la bouche et les oreilles. C'est pour ça que le médecin qui est spécialiste dans ces trois choses, comment qu'on l'appelle, on dit là un nom, j'ai oublié comment qu'il s'appelle, l'arincito, oréola, ornola, j'ai oublié comment qu'on appelle le médecin qui, on se soigne chez lui, le nez, la bouche ou bien les oreilles. Naam. L'ORL, naam. On m'ishaq, jazakillahu khairan. L'ORL, naam. L'ORL. Pourquoi ils soignent les trois à la fois, subhanallah al-adhim, pourquoi? Parce que les trois ont une relation entre eux, entre la bouche, le nez et les oreilles, il y a une relation. Et le nez, pardon, et les yeux n'ont pas de relation. Ensuite, les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on n'a jamais vu ni entendu dire que quelqu'un, s'il a faim, il va mettre le noir dans ses yeux. On a dit, on n'a jamais entendu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que quelqu'un de vous, quand il a faim, il va mettre le coq dans ses yeux? Ou il va mettre les gouttes dans ses yeux? C'est impossible. Donc, les yeux, yani, n'ont rien à voir avec le siyam. On peut mettre quoi? On peut mettre le coq et on peut mettre les gouttes. Et j'ai montré que on ne doit pas sortir avec le coq pour la femme. Naam. Ensuite, l'Aouaïcha a dit, et j'ai demandé à Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Regardez pourquoi j'aime ce livre, il te donne beaucoup les avis de Cheikh Al-Albani, qu'il a entendu lui en personne de lui, et que tu ne trouves pas dans les cassettes ou dans les livres. Il a dit, j'ai demandé à Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ma ra'yukum fi man yaqul inna al-iktihal wal-qutra la yuftiran. Que pensez-vous de celui qui dit que le noir, et, c'est-à-dire le kohl, et la goutte, ne rend pas le jeûne. Même s'il trouve son goût dans le gosier ou pas, yani, qu'en pensez-vous? Il a répondu, naam, c'est ainsi. C'est comme tu as dit toi. Naam, huwa kadhalik. Wa idha wajada ta'amahu lafaz, wa la yajuz bal'uh. Cheikh Al-Albani rahimahullah a répondu, oui, c'est comme tu as dit. Celui qui fait le kuhl, ou bien les gouttes, il n'a pas rompu son jeûne. Mais il a ajouté une chose, il a dit, mais s'il trouve son goût dans le gosier, il a dit, alors il crache. Comme cela, comme barakato. Il a dit, mais s'il trouve dans son gosier le goût de quoi? Des gouttes ou bien le goût du col. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas comme même yani, faire exprès avaler. Qu'est-ce que tu fais? Tu craches, c'est tout. Alors, regardez ce que dit ici l'Ouaïcha. Il a dit, وَقَالَ أَحَدُ الْإِخْوَى الْحَاضِرِينَ. Il a dit, alors l'un de ceux qui étaient présents a dit à Cheikh Al-Albani, وَهَلْ يُفْتَرْ إِذَا بَلَعُ. Dites-moi, Cheikh Al-Albani, vous avez dit que si quelqu'un met des gouttes et le kohl, s'il lui arrive au gosier, il doit cracher. Et si jamais il avale, qu'est-ce que vous dites? Cheikh Al-Albani a répondu, نَعَمْ, نَعَمْ. Il a rompu son jeûne s'il l'avale. S'il l'avale exprès, il a rompu son jeûne. Il ne doit pas l'avaler exprès. Il doit cracher. S'il oublie ou là, il ne fait pas exprès, il veut cracher. Et ça rentre, ce n'est pas grave, car il n'a pas fait exprès. Ce n'est pas grave. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, même le crachat, vous savez les crachats, hein? Des fois, c'est des choses qui descendent dans la bouche sans qu'on le veuille. Des choses qui descendent ou bien ça sort, je ne sais pas, ça monte du gosier ou bien ça descend du nez. Des fois on trouve des choses dans la bouche et sans le vouloir des fois, qu'est-ce qu'on fait? On avale. Naam. Sans le vouloir, on avale. Si on avale ces choses-là, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, ça ne rend pas le jeûne. Ça ne rend pas le jeûne. Naam. Tu n'as pas pris quelque chose de dehors et tu l'as avalé. C'est quelque chose qui était en toi, c'est tout. Naam. Au lieu de la jeter, tu l'as avalé. Et encore, peut-être que tu ne l'as pas fait exprès. Mais Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, a dit, même si on le faisait exprès, on avale le crachat, il a dit, ce n'est pas haram. Naam. J'ai fait le majmou'a, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah, a dit, وَإِذَا كَانَتِ الْأَحْكَامُ الَّتِي تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى لَبُدَّ أَنْ يُبَيِّنَهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانًا عَامًّا وَلَابُدَّ أَنْ تَنْقُلَ الْأُمَّةُ ذَلِكَ فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكُحْلَ وَنَحْوَهُ مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاختصاص والبخور والطيب فلو كان هذا مما يفطر la bayana au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme bayana l'iftar bighayra. Regardez ce qu'a dit Cheikh Islam Lahirmou. Il a dit, c'est bien connu que certaines choses dans l'islam, yani, elles sont propagées partout. Elles sont propagées partout. Parce qu'il y a des choses en islam qui ne sont pas beaucoup propagées et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et il y a des gens, il y a des choses qui sont propagées partout. Yani, que la plupart des gens connaissent. Il n'y a pas, par exemple, je vous donne un exemple, des choses qui sont propagées et des choses qui ne le sont pas. Par exemple, le fait que celui qui mange la viande du chameau a perdu ses ablutions. Cette chose n'est pas beaucoup propagée. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils disent, Wallah, je ne savais pas qu'en mangeant la viande du chameau, j'ai annulé mes ablutions. Ils disent, je n'ai jamais entendu ça. D'ailleurs, je donne un exemple des choses qui sont beaucoup propagées. Le fait d'annuler ses ablutions en urinant. Est-ce que vous connaissez quelqu'un musulman qui ne sait pas que lorsqu'il urine, il a annulé ses ablutions? Il n'y a pas, je crois. Je crois qu'il n'y en a pas. Naam. Donc ici, Ibn Taymiyyah a dit, les choses qui se propagent vite et que tout le monde connaît, il a dit, ces choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a montrées d'une façon très très très claire. Naam. Il a dit, alors, le kuhl, le noir, est-ce qu'il lui ressemble, comme les gouttes, etc., et comme le fait de se laver, comme les parfums pendant le ramadan, naam, comme se masser avec des liquides, etc., pendant le ramadan, il a dit, toutes ces choses, si elles rompaient le jeûne, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les aurait montrées. Naam. Dites-moi, barakallahu fikoum, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre, comment qu'il nous montre, il nous a montré, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans les toilettes? Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas être en face de la Qibla. Qu'on ne doit pas toucher ses parties intimes avec la main droite. Qu'on ne doit pas s'essuyer, par exemple, avec un os. Naam. Qu'on ne doit pas s'essuyer avec le reste des animaux qu'on mange. Naam. Qu'on dise Bismillah avant de rentrer, A'udhu billah min khubthi wa khaba'ith. Quand on sort, on dit Ghufranak. Naam. Des choses, yani, subhanallah, qui ont rapport avec les toilettes, il les a montrées avec des façons très claires. Une façon très claire. Alors, comment aurait-il caché et il ne nous aurait pas montré des choses comme le kohl et comme les gouttes, etc. C'est impossible. Non, c'est impossible. Non. Voyez. Qu'est-ce qui est permis aussi pendant le ramadan, cinquièmement? Et je t'avais demandé de résumer. Où sont les résumés? Où sont les résumés? J'attends. Nous sommes à la cinquième des choses. Et que l'Inch'Allah Ta'ala n'a encore rien affiché. Celui qui peut nous résumer, lève la... Bon, maintenant tout le monde a levé la main. Comment vais-je savoir qui? Je vais vous répéter 4. Naam. Je voudrais les 5 choses, les 4 choses que j'ai citées, yani même sans délai. Le noir pour les yeux, selon son problème, en évitant l'extérieur du domicile pour la femme, les gouttes pour les yeux et les oreilles, avaler sa salive, le parfum. Naam. Je répète donc les 4 choses jusqu'à présent. Premièrement, se laver pendant le ramadan, hein, se laver, prendre une douche, j'ai chaud, je veux me rafraîchir, je me mets sous la douche, tout ça c'est permis. Naam. Deuxièmement, si quelqu'un se réveille le matin, écoutez, il y en a un peu. Et il s'est approché dans la nuit. Celui-là, qu'est-ce qu'il doit faire? De se rincer la bouche et d'aspirer l'eau, à condition de ne pas exagérer. Quatrièmement, le kohl et les gouttes. Le kohl et les gouttes. Naam. Cinquièmement, al-qublatu wal-mubasharatu liman qadira ala dhabt nafsihi. Al-qublatu wal-mubasharatu liman qadira ala dhabt nafsihi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien sûr, on va donner inshallah ta'ala les détails. C'est-à-dire que c'est permis pendant le ramadan d'embrasser. Naam, c'est permis pendant le Ramadan d'embrasser l'autre partenaire et aussi d'aller un peu plus loin que le fait d'embrasser, mais à condition de ne pas arriver au rapport. À condition de quoi? La grande condition, c'est quoi? Pour celui qui se retient. Pour celui qui peut se retenir. On va voir qui c'est celui qui peut retenir et qui c'est celui qui ne peut pas. Qui c'est? Non, on va voir qui peut se retenir pendant le Ramadan et qui ne peut pas. D'ailleurs, on commence par les dalils. An Aisha radiyallahu ta'ala anha. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه ولأربه أسي. نعم أخرجه البخاري ومسلم. D'après notre mère Aïcha, la femme du prophète صلى الله عليه وسلم, que le prophète صلى الله عليه وسلم embrassait et touchait, si je puis dire, touchait, jouait avec sa femme alors qu'il jeûnait. Alors qu'il jeûnait. Naam. Ensuite, elle a dit, mais qui a la capacité entre vous de se tenir, de se retenir comme lui? Naam. Mais qui a la capacité d'entre vous de se retenir? C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas interdit d'embrasser sa femme, ni de l'enlacer, ni d'aller un peu plus loin. Mais est-ce que tu peux te retenir? Est-ce que tu n'as pas peur que les désirs vont monter et que tu ne puisses plus te retenir? Tu as oublié cela? C'est une chose très très importante. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il embrassait sa femme tout en jeûnant, c'est comme si, par exemple, il avait embrassé sa femme sur les joues. C'est comme s'il l'avait embrassé sur les joues, ou il avait embrassé sa main, ou là il avait embrassé sa mère. Non. Il ne ressentait rien parce qu'il pouvait se retenir quand il voulait, alors que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, en ce concernant lorsqu'il faisait les rapports, il avait, Allah Ta'ala lui a donné la force de 10 hommes. La force de 10 hommes. C'est pour ça que il pouvait en une nuit, et il l'a fait plusieurs fois, faire le rapport avec toutes ses femmes, les 9 femmes qu'il avait. En une nuit, il faisait avec chacune d'elles même ce que fait l'époux avec sa femme. Et dans chaque maison, il se lavait. Il se lavait, il allait vers l'autre. Ou s'il fait le lavage majeur, il va vers l'autre. Parce que Allah Ta'ala lui a donné la force de 10 hommes. Naam. Et au paradis, chaque homme aura la force de 100. Au paradis, chaque homme aura la force, yani la puissance avec une femme, de 100 hommes. Naam. Donc, la sagesse, c'est quoi? C'est pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse se marier plus de 3, plus de 4, plus de 5, et c'était une permission seulement à lui, comme vous devez sûrement le savoir. Naam. Et je pense, Wallahu ta'ala alam, je dis Wallahu ta'ala alam, je pense qu'il est impossible à une personne, yani, comme nous, à des normales, de faire par exemple la même chose 10 fois en une nuit. Inch'Allah, fais saut. Tayyib, alhamdulillah. Tayyib, je ne sais pas. Ça fait combien de temps que je suis déconnecté? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire où je suis arrivé vraiment? Non, où je suis arrivé vraiment? Non, est-ce que... Environ 10 minutes. Allahu Akbar, c'est trop. Est-ce que vous m'avez entendu parler de... du voisin? Qu'est-ce qui lui est arrivé avec son père? Le voisin avec son père. Qu'est-ce qui lui est arrivé avec son père? Vous avez entendu cette chose ou pas? Ah bon, subhanallah al-azim. Ça fait longtemps que je me suis... Naam. Naam. Est-ce que vous avez entendu quand j'ai parlé, que la femme, yani, pouvait s'asseoir avec sa famille si elle était habillée convenablement? Le cas du Cheikh Ibn Baz. Vous avez entendu cette chose? Yani, quand je parlais d'extrémisme. Non. Taïb. Et pour être plus sûr, vous n'avez pas entendu que, yani, ce qui s'est passé à une personne avec son père et sa femme? Vous n'avez pas entendu cette chose, hein? dommage, donc j'ai beaucoup parlé, Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim, j'ai pas... Oh, je suis très loin. Subhanallah al-Azim, c'est très loin. Parce qu'on sortait des toilettes. Tayyib. Astaghfirullah wa tawbah. Je ne sais pas maintenant comment revenir en arrière. J'ai beaucoup avancé, subhanallah al-Azim. Beaucoup, beaucoup même, subhanallah al-Azim. Qaddar Allahu ma sha fa'al. Naam. Qaddar Allahu ma sha fa'al. Tayyib. Je disais que... Pourquoi on parlait de tout cela? Non, pourquoi on parlait de tout cela? Tiens, une seconde, Inch'Allah, il faut que je retrouve le fils, donc. Comment arriver à cela? Non. Tiens, je disais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé de tout, tout ce qui se faisait, etc. Donc il est impossible qu'une chose annule, les ablutions, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'omette et ne la dise pas. Naam, et ne la dise pas. Ensuite, j'ai parlé des... Naam, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais j'essaye maintenant de résumer, c'est tout. Sinon, je ne peux pas refaire tout ça. On a dit... Naam. Attendez une seconde. Tayyib. Umm Salama radiyallahu ta'ala anha, Umm Salama radiyallahu ta'ala anha, qui est l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, raconte qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, est-ce que celui qui jeûne peut embrasser? Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, demande à celle-là. Demande à qui? Demande à celle-là, c'est-à-dire à Umm Salama. Naam, demande-lui, elle va te répondre. Naam. Alors, elle lui a répondu, Umm Salama lui a répondu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette chose. C'est-à-dire qu'il l'embrassait quand il faisait le jeûne. Alors, l'homme qui a posé la question a dit, Ya Rasulallah, naam, il a dit, Ya Rasulallah, toi, c'est quelqu'un auquel Allah subhanahu wa ta'ala a tout pardonné. C'est-à-dire que toi, il t'est permis de faire cette chose. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé, il est monté sur le minbar, il a demandé le minbar, il est à la mosquée, il est monté sur le minbar, il a dit, qu'en est-il de certains gens, Allah ta'ala leur donne quoi? Des permissions, et il les refuse. Qu'en est-il de certains gens? Allah ta'ala leur donne des permissions, et il les refuse. Donc, je voudrais dire que la permission, quand Allah Ta'ala te donne une permission, ou bien son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas obligé de la faire, mais c'est interdit de la refuser. C'est-à-dire, tu peux seulement ne pas la faire, mais refuser, dire non, cette chose ne se fait pas, etc., ça, c'est haram et c'est vraiment grave. C'est quand, par exemple, certains gens qui maintenant, par exemple, font le voyage, en voyage, il prend la permission, il veut manger. C'est Allah Ta'ala qui lui a permis de manger. Et même le prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a d'autres personnes qui commencent à dire, pourquoi tu manges, etc. Nous sommes au Ramadan, ça. Subhanallah al-Azim. C'est Allah Ta'ala qui m'a permis de manger. Naam. C'est Allah Ta'ala. Si vous ne voulez pas manger, ne mangez pas. Mais, pas au point, subhanallah al-Azim, de quoi? De nier une permission qui existe. Voyez, ici, ce n'est pas obligé pour l'homme d'embrasser, mais il est interdit qu'il dise que cette chose, par exemple, ne se fait pas. Naam, il est interdit qu'il dise que cette chose ne se fait pas. Il dit, moi je ne fais pas cette chose parce que je ne me retiens pas. Car en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retenait beaucoup. Et j'avais dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui avait donné la force de 10 hommes. Naam, la force de 10 hommes. C'est-à-dire qu'il y a des hadiths sahih où il est cité que des fois, en une nuit, il s'approchait de toutes ses femmes. Naam, les 9 femmes qu'il avait au plus. En une nuit, il s'approchait de toutes les femmes. Et bien sûr, quel homme normal peut-être ne pourrait pas faire cette chose. Donc, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un lui a demandé, il lui a dit, est-ce que quelqu'un peut embrasser? Il lui a dit, demande à celle-là. Allah l'Azim, demande à celle-là. Ça nous paraît un peu, hein, qu'est-ce qu'on va dire, si c'était nous? On dit, aïe, quelqu'un vient me dire, pardon s'il vous plaît, un homme peut embrasser pendant le ramadan, je lui dis, demande à ma femme, elle est là devant lui, demande-lui. Non, ça nous paraît, aïe. Ça fait là où tu voulais. En islam, j'ai remarqué que il y a beaucoup d'extrémistes. Il y a ceux qui ferment tout. Qu'il est interdit, d'après elles ou d'après leur mari, je ne sais pas, de dire par exemple salam alaykoum à par exemple mon beau-frère. Non, il ne faut pas lui parler. Il faut se cacher de tous les hommes. C'est interdit, naam, ça se fait pas, c'est haram. Même salam alaykoum, ça se fait pas. Allah l'Azim. Et d'autres, comme j'ai dit, c'est les extrêmes, permettent tout. Non seulement de lui dire salam alaykoum, mais permettent, yani même, astaghfirullah, peut-être jusqu'à presque arriver au haram. Naam. J'ai lu une fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans un livre qui s'appelle Fatawa al-Nisa, naam, où il lui a posé la même question. Est-ce qu'une femme peut s'asseoir dans une table où il y a le beau-frère? Naam. Et elle n'est pas seule avec lui. Il y a son mari, il y a son père. Il a dit, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Si quoi? Si elle est habillée d'une façon où c'est comme si il la voyait dehors. Est-ce que le beau-frère ne peut pas voir la femme de son frère dehors? Il lui est interdit de la voir quand elle marche dans la rue ou là il la rencontre. Il n'est pas interdit. La même chose. Si maintenant, elle est du genre qui dit il faut le niqab et les gants, elle s'assoit avec le niqab et les gants. Si elle est du genre qui dit il est permis de voir le visage et les mains, elle s'assoit en montrant le visage et les mains. Et l'autre condition, la deuxième, c'est que il ne faut pas qu'il y ait des doutes. Entre cet homme. Pour que cet homme ne soit pas vicieux. Il faut qu'il soit pas quelqu'un qui on n'a pas vu. Subhanahu wa ta'ala. Non. Car si quelqu'un, par exemple, était du genre vicieux, alors le père de l'époux, ça y est, ça coupe. Asi Salaf a dit ça coupe. Pour Salaf, est-ce que ça coupe? Est-ce que ça coupe? Pour Salafi a dit ça coupe pas. Non, pour Salafi a dit ça coupe pas. Maintenant, nous, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'on soit plus sûr, pas si Salaf ça marche, Alhamdulillah. J'avais dit que maintenant, si l'époux, pardon, le père de l'époux, si le père de l'époux, qui est un mahram, pour qui? Pour la femme. Un mahram à vie. Vous savez que ça veut dire un mahram à vie? Ça veut dire si une femme est mariée avec un homme, ensuite cet homme la divorce, son père, c'est-à-dire qui est son beau-père à elle, reste toujours un mahram, car il ne peut jamais l'épouser. Et le contraire est vrai. Un homme se marie avec une femme, non? Sa mère à elle, c'est-à-dire la belle-mère de l'homme, il ne peut jamais l'épouser même s'il divorce sa fille. C'est-à-dire, cet homme est toujours un mahram pour qui? Pour sa belle-mère. Et pourtant, il n'est pas un mahram pour sa femme. Sa femme, il l'a divorcée. Mais sa mère, à elle, il reste un mahram pour elle. Subhanallah al-Azim. Je disais, donc si une femme, par exemple, voyait que son beau-père a du vice, etc., celle-là, elle doit s'éloigner de lui, même si c'est son beau-père. Et là, j'ai dit que je connaissais quelqu'un qui était un voisin quelque part dans une ville où j'habitais, pas dans celle où je suis maintenant, et que il est sorti de la maison, et il a laissé qui? Il a laissé seulement son père et sa femme, et que sa femme est allée prendre une douche, et que son père, a'oudou billahi minash shaitanir rajim, l'a guetté, subhanallah al-azim, quand elle est sortie de la douche, bien sûr avec son peignoir, il a sauté sur elle et Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé, il n'a rien pu faire. Et elle est venue en courant, etc. Elle est rentrée dans notre maison. Naam. Et le soir, quand le fils est venu, subhanallah al-azim, et il m'a dit, dites-moi maintenant, est-ce que je tue mon père? Est-ce que je tue mon père? Tu lui as dit, taqillah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une fitna, ça c'est une fitna, tu dois, inshallah ta'ala, supporter. Allah ta'ala dit dans le Coran, كَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَا أَتَصْبِرُونَ. Allah ta'ala dit dans le Coran qu'il a fait, hein, des fois c'est notre père qui est fitna, des fois c'est notre mère, des fois c'est les enfants, des fois c'est la femme, des fois c'est l'époux. On est des fitna. Et crains Allah subhanahu wa ta'ala et endure, inshallah ta'ala, il te fera une solution. Et quelques temps après, Allah subhanahu wa ta'ala lui a yani, donné, masha'Allah, une maison. Et depuis ce jour, il ne permettait plus à son père qu'il aille chez lui. Et bien sûr, même son père n'est plus jamais allé chez lui de honte de ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'un chien ne fait pas. Non, mais il a fait ce qu'un chien ne fait pas. Al-Muhim, on revient là où on était, Naam, et dans un autre hadith, an Aïcha, radiallahu ta'ala anha, que le prophète, elle a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a embrassé une de ses femmes une fois, et il est parti faire la prière. Il a embrassé une fois une de ses femmes, et il est parti faire la prière. Elle s'adressait à qui? À son neveu, Urwa ibn Zubayr, Urwa. Le fils de sa sœur Esma. Car Esma et Aïcha ont le même père, qui est Abu Bakr Siddiq, mais n'ont pas la même mère. La mère de Aïcha s'appelle Umm Rumman. Et la mère de Esma, j'ai oublié son nom, ou la Sakunia. Elle mourit. Donc elle disait à son neveu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une fois embrassé une de ses femmes et il est allé faire la prière. C'est-à-dire que le fait d'embrasser sa femme, ça n'annule pas quoi? Les ablutions, et qu'on peut faire la prière. Alors qu'est-ce qui lui a répondu au roi? Il a dit, mais hiya illa anti. Naam. Il a dit, cette femme qu'il a embrassée, ce n'est d'autre que toi. Naam. La femme qu'il a embrassée, ce n'est d'autre que toi. C'est toi, il n'y a pas une autre. Parce que c'est sa tante. Naam. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a souri, bien sûr. Pourquoi elle a souri? Si elle lui dit non, elle va rentrer dans le mensonge. Elle lui dit non, ce n'est pas moi, c'est elle. Si elle lui dit oui, c'est par pudeur, elle ne peut pas. Donc, il ne reste que le quoi comme solution seulement de sourire. Et le hadith se trouve dans Sahih Abi Daoud de Cheikh Albani, numéro 165. Al-Muhim. Quand quelqu'un embrasse sa femme pendant le Ramadan, Naam, ou bien il y a une chose qui peut, yani, disons, sortir de ses parties intimes, ou bien rien ne sort. Si cette chose sort de ses parties intimes, naam, l'homme, naam, alors il doit quoi? Il doit faire les ablutions. Naam, il doit se laver les parties intimes et faire les ablutions. Car quand Aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait allait faire la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne sortait de lui. Naam, il se retenait et contenait, mashallah. Rien ne sort de lui. Si un homme embrasse une femme et que quelque chose sort de lui, il doit refaire les ablutions, c'est connu. Naam. Quand je dis quelque chose sort de lui, ce n'est pas la chose qui sort, le liquide qui sort après la jouissance. Car si c'est cette chose, c'est vraiment grave pendant le Ramadan, on va arriver à ça. Mais on parle du liquide qui sort quand quelqu'un embrasse sa femme ou pense à sa femme. Si ce liquide sort, le liquide visqueux, il doit quoi? Il doit laver ses parties intimes seulement, naam, avec les testicules, et ce n'est pas la peine bien sûr de prendre la douche. Naam. Donc l'Albani alayhi rahmatullah va prouver ici, je vais résumer très vite parce qu'il va donner beaucoup de dalil, que le hadith que je viens de citer permet non seulement d'embrasser mais encore d'aller un peu loin. C'est quoi aller un peu loin? Je vais le citer. Naam. Regardez ici ce que dit le hadith. Un homme a dit à Abdullah ibn Abbas, un homme a demandé à Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Vous connaissez Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, le grand savant. Na'am. Et le hadith, bien sûr, il est sahih, je vais vous citer qu'il est sahih à la fin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, inni tazawwajtu ibnata 'ammin li jamila. Je me suis marié avec ma cousine qui est belle. Na'am. Fabuniya bi fi Ramadan. Et yani j'ai fait la fête, le mariage pendant le Ramadan. Ma nuit nuptiale, c'était pendant le Ramadan. Donc, entre parenthèses, pour savoir que quoi? Que c'est possible de faire le mariage pendant le Ramadan. Peut-être certains gens vont dire ça se fait pas. On dit ça se fait. Naam. La veille du Ramadan, pendant la veille et la soirée, on peut faire le mariage. Donc, peut-être que c'est bien. Naam. Alors, il lui a dit, je me suis marié avec ma cousine qui est belle et j'ai bâti, c'est-à-dire, la nuit nuptiale, c'était pendant le Ramadan. Il lui a dit, tu es bi-abiente wa ummi, c'est-à-dire, tu es comme mon père et ma mère, naam, ou bien plus. Helli ila qublati min sabil, est-ce que je peux l'embrasser? Faqala lahu ibn Abbas, il lui a répondu à Abdullah ibn Abbas, hel tamliku nafsak, est-ce que tu te retiens? Est-ce que si tu embrasses, naam, tu ne vas pas encore aller, yani, à la chose qui annule le siyam? Il lui a dit, est-ce que tu peux t'arrêter? Il lui a dit, qala na'am, il lui a dit, na'am, je peux. Il lui a répondu, alors embrasse. Ensuite, il a continué. Il a dit, fabi abi anta wa ummi. Na'am, tu es comme mon père ou ma mère. Halli ila mubasharati min sabil. Est-ce que je peux faire plus que embrasser? Plus. Non seulement embrasser, mais plus. Il lui a dit, hal tamliku nafsak? Est-ce que tu te retiens? Il a dit, na'am, oui, je me retiens. Il lui a dit, fabashira. Alors fais plus. C'est quoi plus? C'est, yani, c'est pas la peine de citer des choses comme ça, yani, c'est ne pas arriver au rapport, c'est tout, ne pas arriver au rapport. Naam. Alors l'autre a continué, il lui a dit, subhanallah al-azim, maintenant dès que la porte s'ouvre, on voudrait l'ouvrir, yani, au maximum. Il a dit, fahalli an adriba biyadi ala farjiha min sabil. Pardon, j'ai une troisième question. Est-ce que je peux mettre ma main sur ses parties intimes? Est-ce que je peux mettre ma main sur ses parties intimes? Il lui a dit, hal tamliku nafsak? Est-ce que tu te retiens? Il a dit, oui, naam. Il a dit, alors fais-le, naam. Et, bon, le hadith, naam, où est-ce qu'il est? Attendez que je vous cite où est-ce qu'il est. Il est dans Muhalla de Ibn Hazm. C'est un hadith authentique, naam. Tome 6, page 211. Naam. Et, min turuq sihah, d'après des versions authentiques, an Sa'd ibn Abi Waqqas, que le compagnon, que Allah l'a agréé, Sa'd ibn Abi Waqqas, on lui a demandé, atuqabbilu anta sa'im, est-ce que tu embrasses alors que tu fais le jeûne? Il a dit, na'am, oui. Wa aqbidu ala mata'iha. Il a dit, na'am, j'embrasse. Et en plus de cela, je mets ma main sur ses parties intimes. Naam. Tayyib, maintenant, on va terminer ce point en disant une chose très importante, laquelle, c'est que la personne qui peut embrasser ou aller un peu plus, c'est qui? C'est la personne qui se retient. Ce n'est pas toute personne. Et de nos jours, je crois que la plupart ne se retiennent pas. Surtout ceux qui vivent dans les pays où il y a les fitnas, etc. Ajoutez à cela que la piété manque beaucoup de notre temps. Ajoutez à cela les fitnas qu'il y a dans les rues, etc. Ajoutez à cela ceux qui se sont habitués à voir les choses haram, etc. Naam. Dès qu'il commence, il va dire seulement je vais enlacer ma femme, ou bien seulement l'embrasser, et il ne va pas se terminer, il va essayer d'arrêter, il ne pourra pas. C'est pour ça que, d'après Abi Huraira, radiallahu ta'ala anhu, naam, est-ce que j'ai cité où s'est trouvé le hadith de l'autre, de Sa'd ibn Abi Waqqas, toujours dans le Muhalla, naam, hadith sahih. Je disais, d'après Abi Huraira, radiallahu ta'ala anhu, il y a un homme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que quelqu'un, quand il fait le jeûne, il peut yani, faire plus que embrasser, faire plus que embrasser. فَرَخَّسَ لَهُ Il lui a permis. Ensuite, un deuxième homme lui est venu et lui a posé la même question. فَنَهَا Il lui a dit non. Non. خَرَجَوْا أَبُو دَوُدْ انظر صحيح سنن أبي داود الشيخ الألباني حديث numéro 2090 Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis au premier d'embrasser et de faire plus et le deuxième quand il lui a posé la même question il lui a pas permis pourquoi parce que le deuxième qui est venu lui poser la question était un jeune et le premier qui lui a posé la question était un vieux Naam. C'est pour ça qu'il est que ces choses sont beaucoup plus permises aux vieux qu'aux jeunes et sont beaucoup plus permises à quelqu'un qui a 20 ans de mariage que à quelqu'un qui s'est marié ça fait 15 ou 20 jours ou un mois même une année nouveau marié c'est difficile pour lui dès qu'il commence à toucher sa femme il ne peut plus s'arrêter mais quelqu'un qui a 20 ans de mariage 25 ans l'embrasser ça lui dit rien plus que l'embrasser il peut se retenir Allah l'adim ça lui dit rien c'est pour ça que je donne un conseil à mes frères et à mes soeurs d'éviter au maximum ces choses-là pendant le ramadan, ceux qui sont mariés. Car il n'y a rien qui interdise. Mais tu peux te baser sur ce dernier hadith que je viens de citer où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à un jeune de faire cette chose. A interdit au jeune. Donc quelqu'un qui est jeune, il a le dalil que pour lui c'est interdit. Alors le prophète sallam n'a pas permis aux jeunes. Disons que s'il veut, il s'arrête au fait d'embrasser. Mais il ne va pas plus. Il ne va pas plus loin. Maximum, disons qu'il embrasse et qu'il n'aille pas plus loin, car vraiment, c'est difficile de s'arrêter. Ensuite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jeûner 2 mois consécutivement. Allahu Akbar. 2 mois, ce n'est pas une chose facile. Si on te disait 3 jours, c'est difficile. Imagine 2 mois consécutivement. Et si tu vas faire seulement 2 trucs et tu vas regretter. Ensuite, tu vas te tirer les cheveux et dire « Ah, qu'ai-je fait, Allahu Akbar ? Comment vais-je faire maintenant pour yani, 2 mois ?» Pour les 2 mois. Naam. Et si jamais, autre chose très importante, si jamais l'homme qui a embrassé sa femme pendant le ramadan, ensuite veut aller un peu loin, ensuite veut aller au but, alors il est interdit à la femme qu'elle le laisse. Il est interdit à la femme qu'elle le laisse. Naam, c'est interdit qu'elle le laisse. Maintenant, si elle le laisse, les deux doivent faire quoi? Les deux doivent jeûner 2 mois consécutifs. Plus, ils ont le péché d'avoir, un grand péché, d'avoir fait cette chose pendant le ramadan. Naam. Beaucoup de gens croient que ça ne fait rien, je fais cette chose et je vais faire 6e de mois. Mais est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est permis de faire cette chose? Le 6e de mois, c'est Allah Ta'ala veut te punir, c'est tout. Mais ce n'est pas permis, c'est interdit de faire cette chose. Donc, je ne vais pas jouer autour du feu pour dire à la fin, je me suis brûlé. Cherchez-moi le médecin, je me suis brûlé. Naam. Mais pourquoi tu as tourné autour du feu? Tu savais que ça brûle. Tu ne joues pas avec les allumettes. Tu ne joues pas avec les allumettes. Naam. Sixièmement, c'est quoi? Qu'est-ce qui est permis? Ce qui est permis, c'est l'ibra. Le hoknatul retardiya. Naam. Toute piqûre. Qu'on se fait ou là qu'on se met pendant le ramadan est permise sauf la piqûre qui on la met yani pour yani à la place du manger. Non, il y a des piqûres qui on les met pourquoi yani c'est comme si yani au lieu de manger tu prends cette piqûre. Non, et il y a des piqûres normales. J'ai de la fièvre, on met une piqûre. J'ai la pénicilline, on met une piqûre. J'ai le jazakallahu khair non nutritif. Ça se voit, c'est la fille que tu as fait des études en médecine, toi. Et je disais que toute piqûre qui est nutritive, elle est interdite. Toute autre piqûre qui n'est pas nutritive, elle est permise. Comme on a de la fièvre, on a la pénicilline, piqûre avec pénicilline, piqûre par exemple pour celui qui a le diabète. Il y a des gens qui ont le diabète. Il faut qu'il fasse la piqûre de l'insuline. Non, cette piqûre n'est pas quoi ? N'annule pas le jeûne. Pourquoi ? Parce que elle n'est pas nutritive. Donc apprenez la règle. Beaucoup de gens vont vous demander pour la piqûre. Vous répondez très simplement. Toute piqûre, toute injection nutritive, et quoi ? Elle rend le jeûne, elle l'annule. Et toute piqûre qui n'est pas nutritive est permise. Que ça soit où ? Que ça soit dans toutes les parties. Car on va vous dire, dans la veine, je ne sais pas où, dans la cuisse, dans ceci, dans le cou, n'importe où. L'endroit n'a rien à voir avec la piqûre. N'importe où. Si elle n'est pas nutritive, elle est permise. Hein? Et celle qui est nutritive n'est pas permise. Ça, c'est sixièmement. Septièmement, il est permis, quoi ? Il est permis de faire la hijama. Il est permis de faire la hijama. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, la hijama. Inch'Allah Ta'ala, tout le monde connaît la hijama, les ventouses, et on fait sortir le sang. Naam. Et la vraie hijama, comme vous devez le savoir, elle se fait le 17, 19, 21, ou bien elle se fait par exemple lundi, mardi, naam, et jeudi, et vendredi, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire elle se fait les jours où on peut la faire, c'est lundi, mardi et jeudi. Et on ne peut pas la faire le vendredi, samedi, dimanche et mercredi. Naam. Et de préférence la saigner. Naam. Et de préférence on la fait à jeûne. De préférence on fait la hijama à jeûne. On choisit le 17, 19 ou 21. Et on choisit un lundi, mardi ou jeudi. Naam. Et de préférence on la fait à l'endroit où on est malade. Si on a mal au cou, on la fait au cou. Si c'est au genou, au genou. Et comme ça. Si c'est sur le ventre, le dos. Et comme ça. Naam. On la fait à l'endroit exactement où ça nous fait mal. Naam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ihtajama wa huwa sa'im. Le prophète, que la paix soit sur lui, d'après le hadith de Bukhari, an ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, il a fait la saignée, alors que il jeûnait. Jour conseillé, lundi, mardi, jeudi. Naam, de préférence 17, 19, 21. Et à jeûne, à l'endroit où le mal est ressenti. Naam, mademoiselle l'infirmière. Tayyib, il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aftar al-hajimu al-mahjoum. Naam, c'est un hadith authentique, mais attention, le hadith qui a dit que celui qui fait la hijama, celui qui fait la saignée, il a annulé son jeûne, lui, et celui qui lui a fait cette chose. Les deux ont annulé leur jeûne. Ce hadith, il est sahih, il est authentique. Mais, pour pas qu'une chose vous échappe, c'est quoi ? Il est authentique, mais abrogé. Comme a dit Cheikh Al-Albani, Allah yahmou. C'est un hadith abrogé qui ne marche plus. Place. Ce hadith ne marche plus, il a été abrogé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la saignée, alors que quoi ? Alors qu'il était, comme j'ai dit, il jeûnait. Bien sûr, entre parenthèses, pour que ça vous étonne pas, Cheikh Ibn Uthaymin Lahmou est de l'avis que celui qui fait la saignée, il a annulé quoi ? Son jeûne. Naam, il est de cet avis. Nous, on respecte son avis, inshallah ta'ala, mais le plus juste, c'est celui-là. C'est l'avis de Cheikh Al-Bani, basé sur le hadith sahih, et prouvant que l'autre hadith a été abrogé. Naam. Reste une chose. Naam, pardon, reste deux choses. Il est permis aussi, neuvièmement, il est permis aussi, ces dix choses, inshallah ta'ala, je vais vous les demander la prochaine fois. Il est permis aussi, quelqu'un qui a fait le jeûne, de faire le siwak dans sa bouche, pendant toute la journée. Toute la journée, le siwak lui est permis. Et non pas comme disent certains que, à partir du dhuhr, il n'est plus permis. Cette chose n'est pas vraie. Naam, il est permis tout le temps. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال البخاري رحمه الله: ولم يخص الصائم من غيره. بخاري أدي ابن النبي عليه السلام quand il a dit que si je n'avais pas peur pour ma nation, je leur aurais ordonné de faire le siwak pour chaque salat. Dans un autre hadith, pour chaque wudu, chaque ablution, je leur aurais ordonné de faire le siwak. Le Bukhari a dit, et il n'a pas dit, c'est-à-dire le prophète Aslam, et il n'a pas dit, c'est seulement pour celui qui ne jeûne pas. Il n'a pas dit cette chose. Naam. Et enfin, dixièmement, qu'est-ce qu'il est permis? Et c'est, pardon, le siwak c'est le neuvièmement. Naam, le siwak c'est le neuvièmement, c'est pas le huitièmement. Donc le siwak est quoi aussi? Le musc, yani des sortes de parfums. Les parfums ne sont pas interdits pour l'homme et pour la femme si elle ne sort pas, si elle est dans la maison. Le parfum n'est pas interdit pendant quoi? Pendant le siyam. Naam. Certains gens, là, beaucoup de gens qui n'ont pas de science, croient que le parfum annule le jeûne. C'est pour ça que pendant le ramadan, si tu vas chez certains coiffeurs, surtout ceux qui habitent dans les petites villes, etc., quand il va te mouiller ta tête, quand il va commencer à, avant de couper les cheveux, il va te mouiller ta tête, au lieu de la mouiller avec le parfum, subhanallah, il va te la mouiller avec de l'eau. Comme quoi, le parfum n'est pas permis et il annule le siyam. Alors qu'il n'y a rien qui dise que le parfum annule le siyam. Rien, aucun délit. Naam. Mais les ulama ont un peu divergé sur le bukhur. Le bukhur, pas le parfum. Vous connaissez ce que c'est le bukhur? Le bukhur, je ne crois pas qu'il y ait chez vous. Mais ici au Koweït, tu ne rentres pas dans une maison sans que on commence par te donner le bukhur. C'est l'une de leurs habitudes les plus connues. Quand tu rentres chez quelqu'un invité, que tu sois un homme ou une femme, naam, qu'est-ce qu'ils vont te donner? Le bukhur. Il y a quelqu'un qui va passer, qui s'appelle l'homme qui travaille chez eux, le serviteur, je ne sais pas comment il s'appelle. Dans chaque maison, il y a un, deux ou trois. Il va passer avec quelque chose, disons, c'est pas un verre, quelque chose comme ça, un récipient, où il a mis quelque chose, et cette chose commence à faire sortir de la fumée. La fumée, bien sûr, avec un très bon parfum ou une très bonne odeur, et il va te la donner. On est tous assis comme ça en groupe, il va commencer par la droite, il va te la donner. Tu prends ce verre et tu le mets sous ta barbe et tu te caches avec le voile que tu as sur la tête, le voile rouge ou blanc que tu as sur la tête, comme là le Koweïtien, hein. Il ferme comme ça, et sa main est sous sa barbe avec le verre qui fait sortir le bukhur, cette odeur qui sort comme ça, de la fumée qui sort. Ensuite, tu lui donnes, il le donne au deuxième, au troisième, au quatrième, et comme ça. Ensuite, cette chose reste dans ta barbe et reste dans tes vêtements, masha'Allah. Ça donne une odeur. Si je ne me trompe pas, ensuite, si c'est faux, vous me reprenez. Ça s'appelle en français comme ça. L'encens ou l'encens, na'alam. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Je viens de me rappeler maintenant. Ah, c'est quelque chose. Bukhur, hein? On met quelque chose dans un verre comme ça, on l'allume, hein? Ah voilà, jazakallahu khair, et ça commence à donner une odeur. Cette chose, jazakallahu khair, Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, ça a annulé le jeûne. Il a dit, cette chose annule le jeûne, et d'autres ont dit, cette chose n'annule pas le jeûne. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, ça annule le jeûne. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que ça rentre dans le nez et ça monte dans la tête, etc. Il y a quelque chose qui rentre. Il a dit, ce n'est pas comme le parfum. Le parfum, quand tu ouvres une bouteille de parfum et tu sens, il n'y a rien qui rentre dans ton nez. Il y a une odeur seulement qui rentre, une odeur. Mais là, il y a la fumée qui rentre. Et la fumée et l'odeur, ce n'est pas la même chose. Il a dit, donc, cette chose annule. Wallahu ta'ala a'lam. D'autres ont dit non. Alors, pour être plus prudent, on peut mettre les parfums et s'éloigner de l'encens. Et s'éloigner de l'encens, de l'encens, pour yani, être sûr qu'on a fait notre jeûne comme il faut. Deuxièmement, et on va terminer avec ça, il est permis à quelqu'un qui cuisine, non, non, neuvièmement le siwak, tayyib, neuvièmement le siwak, non, dixièmement c'est, il est permis, ce que je vais dire maintenant, huitièmement, je reviens un peu en arrière, hein. Ah, صح. أحسن الله إليك. J'ai oublié le huitièmement. Subhanallah al-Azim, j'ai pas dit huitièmement. طيب. Je reviens marche arrière. Huitièmement. Il est permis tout ce que on ne peut pas retenir. Naam. Toute chose qu'on ne peut pas retenir et qui rentre dans notre bouche est permise. Supposons que tu marches dans la rue et que, sans le vouloir, il y a un moustique. Ah, on avait ouvert la bouche pour parler ou là pour rire, il y a un moustique qui est rentré. Il y a une mouche qui est rentrée. Il y a une abeille qui est rentrée. Il y a un chat qui est rentré. Non, je plaisante, hein. Il y a un moustique par exemple qui est rentré ou là une mouche. Rentré où? Dans notre bouche. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est trop tard. Est-ce qu'on a annulé notre jeûne? On l'a pas annulé. Je n'ai pas mangé la mouche. J'ai pas voulu la manger. Ni le moustique. C'est lui qui est rentré de lui-même. C'est lui qui est rentré de lui-même. Donc les choses qui rentrent d'elles-mêmes, sans qu'on puisse les repousser, elles n'annulent pas le jeûne. Comme, par exemple, la salive. Non, la salive. Et des fois, on a mangé quelque chose et maintenant, même le matin, on a une odeur de manger dans la salive. On peut rien faire. Il y a un peu de sang. Sans le vouloir, il y a du sang qui a coulé et qui est rentré dans ma bouche. J'ai pas voulu qu'il rentre. Il est rentré. Naam. Les choses qui rentrent d'elles-mêmes, elles n'annulent pas. J'ai dit dixièmement pour terminer, inshallah ta'ala, il est permis à la personne qui cuisine, il lui est permis, de goûter. Il lui est permis de goûter si elle est dans le besoin. Naam. Si elle est dans le besoin. C'est-à-dire, en général, on ne fait pas cela. Non, en général, on ne fait pas cela. Mais maintenant, si on est dans le besoin et il faut qu'on goûte, hein, on a des invités ou bien le mari est très énervé si jamais il trouve qu'il n'y a pas de sel, etc. Maintenant, alors, il est permis de goûter. À condition de quoi? À condition de ne pas avaler. À condition de ne pas avaler. Et vous savez que tout le monde, les femmes surtout savent cette chose, vous savez que quand on ne met pas le sel dans le manger, et maintenant que le repas est prêt, ça y est, et qu'on veut mettre le sel pour manger, on prend un peu de sel et on met sur le manger, que ce n'est pas la même chose. Naam, ce n'est pas la même chose et ça n'embellit pas. Naam, ça donne pas une bonne saveur ni un bon goût. C'est trop tard. Pourquoi ? Il fallait mettre le sel pendant qu'on cuisine pour que le sel yani, se mélange avec la sauce etc. et rentre dans la chose, rentre dans la viande, rentre dans la chose. Naam. C'est pas maintenant je vais mettre le sel comme ça en haut, au-dessus. Naam. Je prends un morceau de viande et je mets un peu de sel au-dessus. C'est comme si je prenais un peu de sable, je mettais au-dessus. Ça va pas jouer un grand rôle. L'essentiel c'est de le mettre en son temps. C'est pour ça que il est permis pour la femme qui n'est pas sûre d'avoir mis du sel ou de n'en avoir pas mis assez, lui est permis de goûter avec sa langue. Elle prend la cuillère, elle met la chose sur sa langue et elle crache. Et elle crache. Naam. Voilà ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, on va se rencontrer dans 5 minutes. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Om Hajar, Inch'Allah ta'ala, je te donne le Coran. Essaye, Inch'Allah ta'ala, je te donne le Coran, celui où il y a la traduction en français. Essaye, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum. Est-ce que quelqu'un voit Oum Hajar? Je ne vois pas où est-ce qu'elle est. Oum Hajar, si tu es dans la salle, lève la main, barakallahu fik. Naam, il faut d'abord que je vois où est-ce qu'elle est. Dans la liste, je ne la vois pas, subhanallah al-azim. Tayyib, maintenant je la vois, elle est en bas. Tafadali, mets-nous le Coran, il y a la traduction, inshallah ta'ala.